Oh, le PDG Zomax Mwanza, le meilleur acheteur du moment, la Luanda, c'est Breveté Gizenga, le grand Charlot. Pindu Mos Luingolo Sole Jean Selenge Tad Tonton Echa Kisaba Denewade Merci Milolo Denise Pangeto Bebe Kitambala La Pépinière. Pierre Maïtou, Machaps. La pépinière, la main, la main. fuerte.